Vous, dont on voit briller dans les nuits azurées l'éclat immaculé, le divin élément, étoile, gloire à vous, splendeur toujours sacrée, gloire à vous qui durez incorruptiblement. L'homme, race éphémère, et qui vit sous la nue qu'un seul et même instant voit naître et défleurir. Passe, les yeux au ciel, il passe et vous salue, c'est l'immortel salut de ceux qui vont mourir.